fait de bif, un peu de baisse, un peu de haine. Quand tout est noir, venez parler, c'est plus la peine. Barre au charbon, rentre à la maison et ramène nos seigneurs. Donc je suis studio, fais des hits et je t'emmerde. Ton avis, on s'en balait. Sauf si c'est pour dire comment t'allez-vous. Tu prends le seum sans m'en parler. Ouais, en vrai, t'es un fan, tu veux faire le fou. Créer la haine, ça rend mauvais. Tu parles mal, puis tu dis s'il te plaît. Petite putain, respecte-toi. Garde ta salive et mes secrets, ouais. Tu perds ton temps à trop parler, ouais. Faut prendre son bif, faut se tailler, ouais. Tu jacques trop dans mon dos, je te baisse ta rush, là, tiens, parler, quoi. J'en ai trop chié pour en arriver là. Appelle-moi PLK ou la quoi. Eh, nous, y'a trop d'écart. J'ai le disque d'or dans le sac à dos. Un peu de bif, un peu de un peu de haine. Quand tout est noir, venir parler, c'est plus la peine. Barre au charbon, rentre à la maison et ramène nos seigneurs. Donc je suis sud, je fais des hits et je t'emmène. Tu peux parler, je te baisse quand même. Tu peux rager, je te baisse quand même. Lundi, mardi, je te baisse quand même. Mercredi, jeudi et toute la semaine. Tu peux parler, je te baisse quand même. Tu peux rager, je te baisse quand même. Lundi, mardi, je te baisse quand même. Mercredi, jeudi et toute la semaine. Beaucoup parler, peut tuer boy. C'est comme avec les choy. Tout part en couille comme le jour où t'as plus d'école. Avec le buzz, rien que ça parle. Rien que ça parle. Ça fume le riff, la patate. Ça tabasse, ils te souhaitent le mal pour leur faire du bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme des chiens. Ils font des bêtises, c'est comme être bien. Ils pleurent à la niche, ils font genre t'aimes bien. Moi je reste dans le check, ça sera Dieu j'encaisse. Une équipe solide, j'avais pas le permis mais j'avais ma caisse, hey. Un peu de bif, un peu de baisse, un peu de haine. Quand tout est noir, venir parler, c'est plus la peine. Barre au charbon, rentre à la maison et ramène nos seigneurs. Donc je suis, je fais des hits et je t'emmerde. Tu peux parler, je te baisse quand même. Tu peux rager, je te baisse quand même. Lundi, mardi, je te baisse quand même. Mercredi, jeudi et toute la semaine. Tu peux parler, je te baisse quand même. Tu peux rager, je te baisse quand même.